Appel des travailleuses et travailleurs du numérique pour une autre réforme des retraites. C'est un appel qu'il est possible de signer sur la page dédiée onestla.tech, onestla.tech. L'automatisation peut être une chance pour l'humanité. Elle permet de déléguer aux machines toujours plus de tâches fastidieuses, ingrates, complexe, ennuyeuse ou non épanouissante. Les progrès fulgurants effectués au cours des dernières décennies dans les domaines de l'électronique, de l'informatique, des réseaux et de l'intelligence artificielle permettent tous les jours un peu plus de s'affranchir du travail. Malheureusement, les monumentales richesses produites par les machines et les programmes développés par les actrices et acteurs du numérique sont elles aussi accaparés par une poignée de personnes, propriétaires ou actionnaires des multinationales de la tech ou de domaines qui en dépendent toujours plus. Cela représente plus de 3 300 milliards de dollars rien qu'en 2019. Un exemple parmi d'autres, Bernard Arnault est un important actionnaire de Google, de Netflix, mais aussi de 50 start-up incubées à la station F. Alors que les plus pauvres de nos aînés, en particulier les femmes, doivent survivre avec 868,20 € par mois de minimum vieillesse, lui gagne l'équivalent de 3 millions d'euros par heure. Le gouvernement voudrait nous faire croire qu'il faut travailler plus longtemps pour financer les retraites de nos anciens, que les cheminotes et cheminots, les soignantes et les soignants, les pompières et les pompières ou les enseignantes et les enseignants seraient des nantis vivant au crochet de la société. En réalité, les inégalités sont telles que 26 personnes possèdent plus à elles seules que 3,8 milliards d'humains réunis. À la deuxième position de ces 26 personnes se trouve Bernard Arnault, juste derrière Jeff Bezos. Parmi ces 26 se trouvent quelques acteurs de la tech, mais aucun cheminot, ni soignant, ni pompier, ni enseignant. Allonger le nombre d'années de travail nécessaires avant la retraite, ou encore prétendre lutter contre le chômage tout en incitant à effectuer des heures supplémentaires, est une aberration, un non-sens historique à l'heure de l'automatisation galopante. Se battre pour la valeur travail est non seulement futile, mais dangereux. La société de consommation, cette volonté imbécile de vouloir produire toujours plus et toujours plus inutile, est en train de détruire notre planète. Ces machines et programmes, parce qu'ils sont de grands facteurs de gains et de productivité, sont également la cause de la destruction de la valeur de nombreuses compétences sur le marché du travail. Les femmes et hommes, ainsi rendus précaires, ne bénéficient d'aucune clémence de notre société. Injonction leur est faite de se conformer à un marché du travail qui ne tolère pas qu'on ralentisse sa marche vers une rentabilité érigée comme une fin en soi. Tout ceci au mépris de la vie des premières et premiers concernés, livrés à eux-mêmes, après qu'un algorithme ou qu'un robot les ont remplacés. L'automatisation peut et doit servir l'humanité. Elle permettrait de travailler moins, de partir en retraite plus tôt et dans d'excellentes conditions de vie, de dégager à tous du temps libre pour étudier, expérimenter, pratiquer les sports, les arts, passer du temps en famille ou entre amis, de vivre. Les programmes et les machines que nous créons peuvent contribuer à lutter contre la pauvreté, permettre à toutes et tous de vivre mieux et plus confortablement. Cela n'arrivera cependant qu'aux conditions que les richesses qu'ils produisent soient plus équitablement réparties et que leurs impacts environnementaux soient réduits. L'automatisation doit être mise à profit pour redonner du sens au travail, pour permettre de travailler mieux et moins. À l'opposé de la standardisation du travail qui impose aux humains de s'adapter au rythme infernal des machines. Courses Uber, livraison Deliveroo, chargement des camions dans les entrepôts Amazon et autres tournées de distribution de colis guidées par des algorithmes. L'automatisation doit servir à le réhumaniser, à permettre aux travailleuses et aux travailleurs de regagner en autonomie, en initiative et en maîtrise de leurs outils de production. En tant que conceptrice et concepteur de ces programmes, de ces algorithmes, notre responsabilité est de veiller à ce que nos créations servent à aider, à libérer. De refuser de produire des outils conçus pour exploiter, asservir, réprimer ou polluer. Même si nous croyons que nous serons moins touchés par la réforme des retraites, souhaitons-nous pour autant que nos proches, nos connaissances ou simplement les autres travailleuses et travailleurs aient à choisir entre travailler jusqu'à 64, 65, 70 ans et vivre dans la précarité la plus totale? Nous n'acceptons pas ce projet qui nous empêche de nous projeter dans l'avenir, la valeur du point étant fixée par décret. Nous, développeuses et développeurs, administratrices et administrateurs système, enseignantes et enseignants, chercheuses et chercheurs, designers, actrices et acteurs du numérique, du web et des télécoms, qui travaillons pour le service public, dans de grandes entreprises privées, dans des start-up, dans des coopératives, en tant que salariés ou indépendants, affirmons notre opposition à la réforme des retraites proposée par le gouvernement et militons à la place pour une réforme reposant sur d'autres bases de répartition des richesses. Abaisser l'âge de départ à la retraite et réduire le temps de travail en mettant l'automatisation au service du bien public plutôt qu'à celui de quelques milliardaires. En conséquence, nous appelons à participer aux mouvements de grève et aux manifestations contre la réforme, à alimenter les caisses de grève pour compenser la perte de revenus des grévistes, à afficher sur nos sites web et dans nos entreprises, notre soutien à la lutte contre la réforme. Signez cet appel avec un compte github.com en créant une issue, etc., etc. Ou si vous n'avez pas de compte, vous pouvez signer en envoyant un email à onestlatech@proton.mail. onestlatech@proton.mail.com. Voilà, il y a pour l'instant sans doute plus de 1100 signatures puisque elles étaient déjà à 1100 hier quand j'ai regardé la première fois ce texte. Donc on doit être plutôt proche des 1300 j'imagine et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. C'est important d'aller directement sur la page dont je redonne l'adresse, onestla.tech, parce qu'en fait, il y a énormément de liens dans le texte, et puis, il y a aussi des propositions de visuels qui sont assez chouettes, et il y a aussi un à-propos que je peux quand même vous lire, ceci dit, parce qu'il est assez chouette lui aussi. À propos, la genèse de ce texte. Au cours du week-end du 6 et 7 décembre 2019, plus d'une centaine d'actrices et d'acteurs du numérique se sont organisés et se sont mis d'accord pour publier cet appel. Ce texte appelle les travailleuses et les travailleurs du numérique à se mobiliser pour dire non à la réforme des retraites du gouvernement et pour proposer une alternative, réduire le temps de travail en mettant la technologie au service du bien commun. Donc il y a un podcast aussi. Merde, en fait, il a déjà été enregistré le texte. Ok. Donc il y a le contact. Ce que je trouve chouette aussi, c'est qu'il y a les incohérences qu'ils ont remarquées, qui sont indiquées aussi à la fin du texte. Et du coup, les voilà. Ce texte a d'abord été travaillé sur GitLab. Des problèmes de latence et de bugs dans la publication du site nous ont contraints à opter pour GitHub. C'était le moyen le plus simple et le moins contraignant pour nous organiser. Nous utilisons Discord pour discuter, faute de moyens et de temps pour installer une alternative comme Mattermost. Et nous utilisons beaucoup Twitter, mais nous recommandons Mastodon. Du coup, voilà, derrière, il y a des ressources, leur compte Twitter, Mastodon, Discord, un site que je ne connaissais pas qui permet d'avoir plein d'informations qui s'appelle La grève c'est cool, c'est à l'adresse https://grève.cool, grève.cool. Et il y a donc l'adresse pour avoir des propositions de visuels pour mettre votre site en grève avec un bandeau, etc. Des paramètres aussi, comment faire une première page de grève, etc., etc., etc. Il y a vraiment plein de ressources dessus, ça vaut le coup d'aller le voir en ligne. Voilà, donc vous pouvez aussi l'écouter directement sur SoundCloud, sur le compte de Podcast Echo, qui du coup fait une sûrement nettement meilleure lecture que ça, et qui explique sûrement plein de choses que je vais écouter, que je n'avais pas vu ce lien. Et puis bah, bonne grève à toutes et tous. À très bientôt.